Chapitre 14. Il avait conservé son appartement chez Madame Wicket. En réalité, c'est là qu'il vivait. Mais tous les matins, vers 10h30, il mettait son pardessus et son cache-nez et traversait la route pour entrer à l'école. Il se sentait très dispos. Le travail qu'il avait à faire n'était pas accablant. Uniquement quelques cours de latin et d'histoire romaine, son ancien enseignement, et avec l'ancienne prononciation. Le même jeu de mots sur la loi Canuleia. Il y avait une nouvelle génération qui ne le connaissait pas, et le succès qu'il obtenait lui causait une satisfaction ridicule. Il se sentait un peu comme une étoile de music hall qui remonte sur les planches après avoir donné sa représentation d'adieu. Tout le monde déclarait que c'était merveilleux qu'il pût si vite connaître le nom et le visage de chaque élève. Il ne soupçonnait pas à quel point, de l'autre côté de la route, il avait gardé le contact avec l'école. Il réussissait admirablement dans l'ensemble. D'une façon singulière, il était d'un grand secours pour tout. Et tout le monde le savait et en avait l'impression. Pour la première fois de sa vie, il se sentait nécessaire et rien ne lui tenait plus à cœur que d'être indispensable à quelque chose. Il n'y a pas au monde de sentiment plus magnifique, et c'était celui qu'il éprouvait enfin. Chatteris tomba malade pendant l'hiver de 17, et pour la seconde fois de sa vie, Chips fit fonction de directeur de Brookfield. Puis en avril, Chatteris mourut, et les administrateurs demandèrent à Chips de vouloir bien continuer pour la durée de la guerre. Il accepta, à condition qu'on ne lui donnât pas de titre officiel. Il reculait instinctivement devant cet honneur suprême qu'il avait enfin à portée de la main, car à bien des points de vue, il ne se sentait pas à la hauteur. « Vous comprenez, » dit-il à Rivers, « je ne suis plus jeune, et je ne veux pas qu'on attende trop de moi. Je suis comme ces colonels et ces majors qu'on voit partout en ce moment, un produit de raccro du temps de guerre. Je suis sorti du rang, tout simplement. » 1917-1918, Chips tint bon tout ce temps-là. Il passait toutes ses matinées dans le cabinet directorial à examiner des problèmes, à recevoir plaintes et requêtes. Sa grande expérience avait abouti à une confiance en soi pleine de gentillesse et de bonhomie. Garder le sens des proportions, voilà quel était l'essentiel. Une si grande partie du monde était en train de le perdre, autant le conserver dans une maison où il avait, ou devait avoir, son domicile naturel. Les dimanches à la chapelle, c'était lui à présent qui lisait la liste tragique et parfois on voyait et on entendait qu'il était en larmes. Pourquoi pas, après tout, disait l'école. C'était un vieillard. Chez tout autre, ces jeunes gens auraient sans doute méprisé ce signe de faiblesse. Un jour, il reçut une lettre d'amis qu'il avait en Suisse. Malgré de nombreux passages censurés, elle apportait des nouvelles. Le dimanche suivant, après avoir lu les noms et notices biographiques des anciens élèves, il s'arrêta un instant puis ajouta « Ceux d'entre vous, ils ne sont pas nombreux, qui étaient ici avant la guerre se souviennent certainement de Max Steffel, le professeur d'allemand. Il était chez lui en Allemagne quand la guerre a éclaté. Il était très aimé quand il était ici et s'était fait beaucoup d'amis. Ceux qui l'ont connu apprendront avec regret qu'il a été tué la semaine dernière sur le front ouest. Il était un peu pâle lorsqu'il se rassit ensuite, car il avait conscience d'avoir fait une chose peu habituelle. Il n'avait demandé conseil à personne à ce sujet. En tout cas, le blâme ne pouvait retomber sur personne d'autre. Ensuite, une fois sorti de la chapelle, il surprit une discussion. Chips a dit sur le front ouest. Cela veut dire qu'il combattait dans les rangs allemands? Je suppose que oui. C'est drôle alors, il me semble, de lire son nom avec ceux des autres. Après tout, c'était un ennemi. Oui, c'est bien une idée à Chips. J'imagine, il a toujours les siennes, ce brave vieux. Chips, une fois rentré chez lui, ne fut pas fâché de cette remarque. Oui, il les avait toujours. Ces idées de dignité et de générosité, qui devenaient de plus en plus rares dans un monde affolé. Il se disait, Brookfield les accepte, lui aussi, venant de moi, mais il ne les admettrait de personne d'autre. Un jour, comme on lui demandait son avis sur le projet de faire de l'exercice à la baïonnette près du pavillon de cricket, il répondit, avec cette intonation traînante, légèrement asthmatique, que l'on avait si souvent imité en l'exagérant, « Cela me fait l'effet, d'une façon bien vulgaire de tuer son semblable. » On se répéta le mot et on l'approuva avec joie. Comme Chips avait bien répondu à un gros bonnet du ministère de la guerre que le combat à la baïonnette était chose vulgaire, c'était du Chips tout pur. Et l'on trouva pour lui une épithète, un adjectif qui commençait juste à avoir cours, il était « avant-guerre ».